Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce que le corps noir? Voilà un mystère qui peut nous conduire vers la méthode scientifique. Vous savez, l'émission de Nicolas Martin, émission de Savoir sur France Culture, émission des sciences, toutes les sciences avec des problématiques éthiques, politiques, économiques, sociales. Oui, l'actualité de la recherche scientifique. Pour un physicien, le corps noir est un modèle théorique, un objet idéal qui, par ses propriétés simples, absorbe tout rayonnement reçu à sa surface. Sa surface qui, par conséquent, ne réfléchit pas et ne diffuse pas ces rayonnements. Vrai, c'est passionnant. Mais dans le cours de l'histoire aujourd'hui, le corps noir dont il est question est politique, au sens où il réfléchit et où il diffuse. Oui, il réfléchit le regard de l'autre, il réfléchit à sa condition et il diffuse sa volonté d'émancipation, d'égalité, de justice sociale. Aujourd'hui, le sport dans les luttes politiques des Noirs américains, des luttes pour la justice. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, les interminables combats pour l'égalité aux États-Unis avec les pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King qui n'a pas seulement lutté contre la ségrégation et pour les droits civiques, non, il avait une vision beaucoup plus globale de la lutte, une vision de justice sociale. Nous avons parlé également du suprémacisme blanc, ce mal persistant de la politique états-unienne. Oui, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion, des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, Starting Block et Black Lives Matter, le corps et le sport dans les luttes des Noirs américains. Avec vous, Nicolas Martin-Breteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Lille et vous publiez Corps politique, le sport dans les luttes politiques des Noirs américains pour la justice, un ouvrage publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Nicolas Breteau, dites-nous, ce corps politique est un corps politique dès l'arrivée des premiers esclaves. Là, le regard porté par les Blancs, le premier contact, c'est toujours le corps en fait qui passe, et évidemment par la couleur. Ce corps focalise l'attention pour les Blancs et pour les Noirs. Absolument. L'histoire des Noirs aux États-Unis en particulier est une histoire en fait corporelle de l'injustice, dans la mesure où leur histoire est largement gouvernée par l'oppression des corps avant toute chose, évidemment pendant la période de l'esclavage, mais également pendant la période de la ségrégation raciale qui succède à l'esclavage, où les corps sont séparés, discriminés à l'intérieur de la société. Donc on peut lire l'ensemble de cette longue histoire de plusieurs siècles à travers la lentille corporelle, et c'est ce que je me propose de faire dans le livre, puisque j'étudie l'utilisation du sport comme moyen politique pour parvenir à la justice et à l'égalité. Et un corps est un homme, est une femme. Je voudrais qu'on évoque une figure. Alors une figure dont le nom n'évoque pas tout de suite les États-Unis, puisque ce nom c'est Dubois. Qui est ce Dubois que vous avez également étudié, Nicolas Martin-Breteau? C'est un ouvrage, c'est la traduction et puis l'introduction et l'appareil critique que vous avez réalisé autour des œuvres de ce personnage au destin fascinant. Hein. Qui est alors Webb Dubois? Webb Dubois a effectivement, comme vous le soulignez, un nom à consonance francophone par ses origines notamment haïtiennes. Et c'est un personnage extrêmement important, c'est peut-être l'un des plus grands intellectuels et militants américains, qu'il soit noir ou blanc, des 150 ou 200 dernières années. Il a été majeur dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et il a été également un savant de toute première importance, notamment pour ses travaux en sociologie et en histoire. Et il est important dans l'histoire corporelle des Africains américains, dans la mesure où, comme ses contemporains dans l'élite africaine américaine, il considère que le corps est l'un des premiers supports de la lutte pour l'émancipation. Alors il a à l'égard du sport en particulier des positions qui ne sont pas toujours en phase avec le reste de sa communauté, parce qu'il insiste d'abord sur une élévation intellectuelle de la communauté africaine-américaine, mais néanmoins dans son nexus corporel, c'est-à-dire dans sa posture, dans sa présentation de lui-même au monde, il incarne bien cette volonté d'excellence, de respectabilité, qui était censée donner aux Noirs à la fois la reconnaissance sociale et la justice politique. Nicolas Martin-Breteau, nous évoquons Webb Dubois, donc ce penseur, celui qui a lutté pour l'émancipation des Noirs américains, avec un destin étonnant, mais parce que ça c'est la chronologie et c'est le hasard, mais il est né en 1868, 3 ans après l'abolition de l'esclavage, et il est mort en 1963, c'est bien cela, c'est-à-dire au moment de la fin de la ségrégation, de la lutte pour les droits civiques. Cet homme-là, son corps a porté en fait tous les combats. Nicolas Martin-Breteau, j'aimerais bien que nous nous arrêtions sur les différents moments de sa vie. Quel regard pouvait être porté en 1868, au moment où il naît, sur le corps d'un homme ou d'une femme noire par des blancs aux États-Unis ? Donc, Dubois naît en 1868, comme vous le dites, 3 ans après la fin de la guerre de sécession et donc 3 ans aussi après l'abolition de l'esclavage. À cette date, le corps noir aux États-Unis est considéré comme un corps foncièrement inférieur du point de vue moral, du point de vue intellectuel et bien sûr évidemment du point de vue physique. Les Noirs américains sont considérés comme des êtres foncièrement inférieurs aux races dites supérieures entre guillemets et occupent de fait les plus bas échelons sociaux de la société américaine. C'est une période, il est dans une période où l'État fédéral américain essaye de reconstruire la nation après la guerre de sécession. C'est la période de reconstruction. Période de reconstruction qui sera méticuleusement détruite par les suprémacistes blancs à la fin du 19e siècle qui réétabliront un régime de ségrégation raciale stricte dans l'ensemble du pays. Il naît dans ce contexte qu'on résume parfois comme ceci. Le Sud a perdu la guerre de sécession, mais le Sud a gagné la paix. Et puis, il y a ce regard sur le corps. Alors, le corps de l'esclave, nous l'imaginons très bien. Le corps comme machine, comme outil, comme mépris. Mais après l'abolition de l'esclavage, un discours se construit autour du corps noir. Quel est ce discours, Nicolas Martin-Breteau ? Comment peut-on considérer quelqu'un qui n'est plus esclave et dont il faut, malgré tout, pour les Blancs, et vous avez évoqué ce qu'on nomme les suprémacistes, quel discours se construit pour dénigrer ce corps ? Alors, la fin du 19e siècle est très intéressante à étudier parce que la guerre de sécession a été une révolution raciale. Et à cette révolution raciale, s'est substituée une contre-révolution raciale à la fin du siècle qui a réétabli les normes et les éléments d'oppression sociale des Noirs américains. Le problème pour les Noirs américains dans ce contexte, c'est qu'ils ne peuvent pas concrètement se battre les armes à la main pour faire imposer leurs droits. Ils sont une petite minorité de la population. De même, l'émigration à l'étranger est quasiment impossible. Donc ils doivent se battre avec de nouvelles armes politiques, et en particulier, leur but dans l'élite africaine-américaine est de dire que pour obtenir des droits égaux, il faut prouver que les corps noirs sont égaux en dignité aux corps blancs. Car, d'après eux, ils ont raison, le racisme anti-noir est d'abord un racisme dirigé contre des corps considérés comme inférieurs et donc stigmatisés dans l'ordre social. Donc l'une des facettes de ces objectifs politiques sera d'élever, entre guillemets, le corps noir afin de montrer qu'il est digne de droits égaux et donc obtenir au final égalité et justice dans l'ordre social. Nous évoquons le corps noir aux États-Unis dans le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui. Et avec cette figure de Webb Dubois, cet homme né en 1868 qui se lance dans des études brillantes et qui devient un des premiers docteurs aux États-Unis, docteur noir, qui fait de la sociologie, qui est un pionnier de la sociologie. Et en 1903, Webb Dubois a 35 ans et il écrit « Les âmes du peuple noir ». Nous en écoutons un extrait qui nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée. Ce sentiment de constamment se regarder à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle. Avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double. Un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre, dans un seul corps noir que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. L'histoire du noir américain est l'histoire de cette lutte, de cette aspiration à être un homme conscient de lui-même, de cette volonté de fondre son moi double en un seul moi meilleur et plus vrai. Dans cette fusion, il ne veut perdre aucun de ses anciens moi. Il ne voudrait pas africaniser l'Amérique, car l'Amérique a trop à enseigner au monde et à l'Afrique. Il ne voudrait pas décolorer son âme noire dans le flot d'américanisme blanc, car il sait qu'il y a dans le sang noir un message pour le monde. Un très beau texte de Webb Dubois, Les âmes du peuple noir, lu dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau, Nicolas Martin-Bretot. Dans cet extrait, nous entendons la réflexion de Webb Dubois qui parle de la nature double du noir américain, qui parle d'une fusion. Le texte est écrit en 1903, il paraît en 1903. Nous sommes donc au début du XXe siècle. Quelle réflexion peut avoir Webb Dubois et reflète-t-il d'ailleurs les réflexions de la communauté noire sur simplement la place du corps noir dans la société des États-Unis? Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir cité ce texte, qui est un texte magnifique. C'est l'un des plus beaux textes, je pense, de Dubois. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il propose une analyse du problème noir vécu de façon existentielle par les personnes qui sont considérées comme noires aux États-Unis. Comment être à la fois américain et noir à la fin du 19e siècle, c'est une impossibilité logique et pratique pour l'immense majorité de leurs concitoyens blancs. Et il pose ce problème d'un point de vue corporel. Le corps noir est littéralement, dit-il, écartelé, déchiré entre deux moi qui sont irréconciliables. Il y a un clivage interne à la personne noire. Et il dit des choses très intéressantes, comme cette volonté à la fois de vivre en tant que noir et d'apporter des contributions à la société englobante en tant que noir, et de recevoir de la société englobante américaine les contributions de ses concitoyens blancs. Et il propose notamment une solution qui est un travail de soi sur soi-même. Il parle d'un moi plus noble à construire, d'un moi plus vrai à édifier. Et ceci est tout à fait typique de la stratégie politique d'élévation de la race. L'une des façons de répondre à l'oppression raciale, c'est une élévation raciale. Répondre à l'abjection par l'élévation de soi-même. Et comment atteindre cette élévation? Il y a un élément de contexte intéressant, c'est que dans les années 1860, c'est la guerre de sécession aux États-Unis qui aboutit à l'abolition de l'esclavage, mais se met en place la ségrégation, d'où cette réflexion du corps, de la position, de la posture des Noirs dans l'espace public, dans la société. Mais dans le même moment, dans les années 1860, se met en place le sport, au sens où des règles sont fixées, du football, du rugby. Le sport, c'est vraiment un phénomène de cette fin du 19e siècle, et puis évidemment de tout le 20e siècle. Alors comment le sport devient un élément de lutte pour les Noirs américains, Nicolas Martin-Bretot? Alors, il y a plusieurs éléments à cette évolution. D'abord, il faut noter que le sport naît historiquement dans la société britannique, notamment sur les campus des universités prestigieuses comme Oxford, Cambridge, etc. Et donc, le sport, dès son origine, est lié à une forme d'éthos aristocratique, si vous voulez. C'est une activité sociale qui est célébrée pour les classes supérieures, disons. Et au fur et à mesure que le siècle avance, le sport se démocratise et devient une activité sociale extrêmement populaire. C'est entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle, l'une des activités sociales les plus populaires aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, le sport est quelque chose de particulièrement enthousiasmant pour des dizaines de millions de personnes. Pour les Africains-Américains, le sport est donc quelque chose de tout à fait intéressant à utiliser du point de vue politique, parce que non seulement il peut prouver la distinction du corps noir, mais également atteindre une visibilité médiatique inédite jusqu'alors. Et c'est l'un des objectifs des Noirs américains, former des athlètes qui pourront, sur la scène publique, sur la scène médiatique et donc aussi sur la scène politique, prouver l'égalité entre corps noir et corps blanc à une époque, justement, où les corps noirs sont considérés comme biologiquement inférieurs aux corps blancs. On oublie ce fait massif qu'à la fin du 19e siècle et finalement jusqu'au milieu du 20e siècle, les noirs américains sont considérés par l'immense majorité des blancs aux États-Unis comme inférieurs du point de vue sportif. Aujourd'hui, on vit, disons, dans un régime de vérité opposé, puisque l'on pense communément que les noirs sont faits pour le sport, sont biologiquement adaptés à l'exercice athlétique. Ce n'est pas le cas à la fin du 19e siècle, notamment pour des questions morales. Par exemple, les noirs sont moins endurants, ils ont moins de discipline, mais également pour des questions intellectuelles. Par exemple, ils sont moins intelligents sur le terrain de sport, dit-on. Et aussi, surtout, pour des raisons physiques, car ils sont notamment sujets à certaines maladies, comme la tuberculose, qui touche les poumons et leur empêche soutenir des efforts prolongés. Donc les Africains-Américains vont essayer de renverser ces stéréotypes pour justement prouver la dignité non seulement individuelle des individus donc de la communauté, mais également pour prouver la dignité de l'ensemble de la communauté à travers un certain nombre d'athlètes. Oui, c'est toujours intéressant l'évolution des mentalités, cette histoire des représentations. Les Noirs ne peuvent pas être meilleurs dans le sport que les Blancs. Le sport créé par les Blancs dans les universités, vous nous l'avez rappelé Nicolas Martin Breteau. D'où l'importance des confrontations. Vous avez évoqué cette scène médiatique sur laquelle apparaît le corps noir. Et parfois, c'est un Noir qui va combattre un Blanc. Et à partir de ce moment-là, tous les journaux s'intéressent à un combat de boxe de Jack Johnson. Lui, il est Noir, c'est en 1910. Écoutons un extrait du documentaire réalisé en 2005 par Ken Burns. Après le combat, Johnson et son entourage montent dans un wagon privé accroché à l'Overland Limited à destination de Chicago. Le champion emporte ses gains, plus de 60 000 dollars en liquide, mais tandis que le train traverse les États-Unis et que le champagne coule à flot, la rumeur l'informe que les troubles se multiplient. Une sorte de fièvre s'est emparée du pays. Les Noirs fêtaient le combat, ce qui n'avait rien de très surprenant. Et les Blancs ont réagi avec violence. Deux événements majeurs ont conduit à des émeutes raciales à grande échelle. L'assassinat de Martin Luther King et la victoire de Jack Johnson face à Jim Jeffries le 4 juillet 1910. Il y a eu des émeutes à travers tout le pays. Des Américains, dans une écrasante majorité des Noirs, sont morts au cours de ces troubles. C'était donc une guerre raciale ouverte qui touchait toute l'Amérique. Un boxeur noir, Jack Johnson, bat un boxeur blanc contre toute attente alors que la presse des États-Unis guettait ce combat qui a eu lieu le 4 juillet 1910. Ouïouïouï, mais mauvais choix de la date ou très bon choix de la date. Le choix du 4 juillet, donc le jour de l'indépendance, n'est pas un hasard pour ce combat. Dites-nous Nicolas Martin Breteau, nous entendons dans cet extrait du documentaire de Ken Burns à quel point la victoire d'un noir sur un blanc a eu un retentissement aux États-Unis, ça a provoqué des émeutes raciales. Absolument, c'est un événement d'un point de vue symbolique qui est révolutionnaire, puisqu'il met en cause, disons, toute l'idéologie de la suprématie raciale blanche. Ceci aux États-Unis, mais également dans le monde. Le fait qu'un noir américain puisse être champion du monde des poids lourds, ça a évidemment des enjeux ratio, puisque ça montre que les Noirs peuvent dominer des Blancs sur le ring de boxe, mais également des enjeux de genre, puisque ça prouve que les hommes noirs seraient peut-être plus forts que les hommes blancs. Et il y a dans cette victoire quelque chose d'inacceptable pour la majorité des Américains de l'époque, et c'est la raison pour laquelle il y a des émeutes raciales. Émeutes raciales qui sont, en réalité, des incursions de Blancs dans les quartiers noirs pour remettre à leur place ces personnes qui pensent pouvoir célébrer un peu trop ouvertement la victoire de leur champion. Vous évoquez dans votre ouvrage, Nicolas Martin Breteau, cette élévation de corps. Cette élévation de corps dans, je rappelle le titre de votre ouvrage, Un corps politique, le sport dans les luttes politiques des Noirs américains pour la justice. Cette élévation, nous avons compris l'évolution. L'esclave noir, bon, le corps est une machine, et puis le noir, son corps n'est pas apte à faire du sport, le noir est malhabile, tous ces clichés sont imposés dans les esprits. Très bien. Mais peu à peu, par le sport, la population noire américaine montre les capacités du corps. Comment, dès lors, va se modifier le discours sur les Afro-Américains, sur le corps des Afro-Américains ? Donc les premières décennies du XXe siècle sont marquées par l'organisation de ligues ségrégées, d'équipes ségrégées et de programmes sportifs qui sont créés dans la communauté africaine-américaine. Et ce travail d'organisation du sport africain-américain va donner de très bons résultats avec l'émergence de champions, notamment en athlétisme, notamment en boxe. Et on peut, disons, dater de 1936, des victoires de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin, eh bien, un début de renversement du cliché sur le corps noir. Jesse Owens est si bon sur la piste d'athlétisme, sur les épreuves de sprint et sur les épreuves de saut en longueur, que la presse blanche africaine-américaine et le monde scientifique blanc s'interrogent sur les capacités extraordinaires de Jesse Owens et des autres athlètes noirs de l'époque. En particulier, tout un tas de théories pseudo-scientifiques sont élaborées pour essayer de comprendre pourquoi la biologie noire serait supérieure, dit-on, à la biologie blanche. Et en particulier, on étudie notamment le talon de Jesse Owens, qui aurait une forme toute particulière et lui permettrait de bondir, si vous voulez, plus loin que les blancs. C'est quelque chose... Ce début de... Pardon, non, je veux dire, c'est vraiment passionnant ce que vous nous dites là, parce que nous imaginons dans les laboratoires, en fait, c'est une forme de racisme, ce racisme scientifique, mais cette fois qui cherche à prouver la supériorité physique du corps noir. Donc on mesure tout, hein, on mesure les talons, le moindre tendon, on essaye d'expliquer pourquoi les noirs seraient plus forts. Absolument. On essaye de mesurer l'ensemble des caractéristiques du corps noir. Pour mettre un terme à ce débat, l'un des personnages principaux de mon livre, W. Montague Cobb, qui est un anthropologue noir américain, décide de clore tout débat et passe littéralement le corps de Jesse Owens au rayon X pour prouver que, contrairement à ce qui est dit, le corps de Jesse Owens est tout à fait normal, comme on le disait à l'époque, aussi bien caucasoïde, c'est-à-dire blanc, que négroïde, c'est-à-dire noir. Il n'a pas de spécificité biologique qui serait propre au noir. Le but de ce travail était de montrer que si les noirs sont bons en sport, dans les années 30 notamment, eh bien ce n'est pas du tout parce qu'ils auraient des qualités sportives innées, mais au contraire qu'ils sont bons en sport grâce à leur mérite, c'est-à-dire à leur travail, à leur persévérance, c'est-à-dire tout un ensemble de qualités morales qui devrait les faire accepter comme égaux aux blancs. Oui, il faut bien souligner que ces représentations perdurent. Hein. On le retrouve encore aujourd'hui dans l'idée que les noirs sont supérieurs aux blancs dans certains sports et moins dans d'autres. C'est quelque chose de vraiment prégnant. Vous, en tant qu'historien, Nicolas Martin Breteau, vous étudiez ces questions du sport et du corps et vous retrouvez sans doute sans cesse des échos à ce qui se met en place dans ces années 1930 comme théorie raciale. Oui, c'est quelque chose qui est constant dans l'histoire africaine-américaine, ramener la vie sociale noire à des dimensions corporelles. C'est une forme de déshumanisation que de dire que les noirs sont corporellement différents des blancs. Ça permet de fonder en nature, eh bien, leur oppression raciale. Car le discours sur la supériorité supposée des noirs en sport permet aussi, inversement, de légitimer le discours sur leur infériorité intellectuelle. Les noirs sont bons physiquement, mais très mauvais intellectuellement, ce qui permet de légitimer le fait que, eh bien, on puisse les exclure des postes de décision, des postes symboliquement, politiquement, économiquement importants dans la société. Donc quand on parle, par exemple, dans les années 1930, du talon de Jesse Owens, un peu plus tard, disons 25 ans plus tard, on parlera des chromosomes noir. Et puis aujourd'hui, on parle des gènes noirs. En réalité, sous des mots différents, on a exactement les mêmes processus sociaux qui sont à l'œuvre. Ce sont des processus qui légitiment l'oppression sociale. C'est une oppression sociale qui est prégnante aux États-Unis. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Et Nicolas Martin Bretot, nous évoquions cette figure de Webb Dubois, donc cette grande figure de la lutte contre les inégalités pour l'émancipation des Afro-Américains. Webb Dubois, en 1936, maintenant à 68 ans, il regarde toujours l'évolution de la société. Il a dû être surpris quand il a entendu parler de Jesse Owens. C'est vrai qu'il n'était pas le seul, surtout notamment au moment de sa victoire aux Jeux Olympiques de Berlin, donc en 1936. Un extrait du film La couleur de la victoire par Stephen Hopkins. C'était un film en 2016. D'après ce que je lis, tu sais courir, et mon bonhomme, tu sais sauter. Mais ce que je veux savoir, c'est si tu peux gagner. Soit pour faire court, est-ce que tu sais travailler? Ta mère t'a peut-être appris à bien t'habiller, mais elle ne t'a rien enseigné des bonnes manières. Lorsqu'on te parle, tu ne baisses pas les yeux. Sais-tu travailler? Je ramassais 2 kilos par jour de coton à l'âge de 6 ans, monsieur. Vous en avez déjà cueilli? Vous vous êtes déjà coupé sur une cosse en retirant la boule? Oui, je sais travailler. Le coach Riley est un homme brillant. Mais je t'ai regardé courir et j'ai des choses à te dire. Ton départ est mauvais, tu n'as pas de rythme et ta position n'est pas bonne. Bon, ça c'est facile à corriger. Le truc, c'est que pour gagner, avoir de bonnes jambes est loin de suffire. Tu entends? Tu gagnes avec ce qu'il y a là-dedans. Et je sais pas encore comment tu te situes à ce niveau-là. Si tu as ce qu'il faut. J'ai couru 100 yards à Chicago l'année dernière en 9 secondes 4. Mm-hmm. Soit pareil que Wyckoff, et c'est un record du monde. Les records du monde, c'est que dalle. Tu sais ce qui compte? Les médailles. Un gamin qui débarque de nulle part peut te piquer comme ça, ton record. Mais une médaille d'or, elle est à toi, pour la vie. Et une médaille d'or, c'est quelque chose qui marque les esprits. Celle de Jesse Owens a été essentielle. Nicolas Martin Bretot, nous évoquions Webb Dubois en disant qu'il a 68 ans en 1936, quand Jesse Owens a sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin. Or, d'un côté, nous avons quelqu'un qui lutte pour l'émancipation par ses écrits, par sa pensée, avec un réel rayonnement. Mais est-il aussi fort que celui d'un sportif comme Jesse Owens? C'est vrai que ses victoires d'un athlète noir ont un effet retentissant. En fait, ça contribue à la lutte pour l'égalité. Oui, absolument. Disons que Dubois a une vision intellectuelle, voire intellectualiste, de l'élévation de la race. Il est partisan de l'éducation, notamment de l'éducation universitaire, pour élever l'ensemble de la communauté noire. Et il voit avec un petit peu de mépris l'engouement de ses semblables pour l'activité sportive. Il a un petit côté élitiste de ce point de vue, qui le met en porte-à-faux avec l'immense majorité des Noirs de son époque, qui sont, à juste titre me semble-t-il, enthousiasmés par les exploits des sportifs noirs, qu'ils soient d'ailleurs hommes ou femmes, sur les terrains de sport. Et cet enthousiasme vient évidemment de la fierté ressentie par l'ensemble de la communauté à voir des Noirs publiquement dominer des Blancs. Et s'il y a bien un événement important à cette époque, c'est bien les 4 médailles d'or de Jesse Owens à Berlin en 1936. Et je rappelle qu'il n'est pas le seul parmi la délégation américaine à remporter des médailles d'or en étant noir. Ce qui sonne comme un coup de tonnerre, si vous voulez, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, puisque au cœur même du Troisième Reich, vous avez des Noirs qui peuvent prouver eh bien, que cette frange considérée comme inférieure de l'humanité est en réalité tout à fait capable de soutenir la comparaison avec les races dites supérieures. Oui, c'est d'où le sport qui devient essentiel dans cette lutte politique des Noirs, avec une conscience d'être dans la lutte politique. À quel moment apparaît, nous avons tous des images en tête de points levés lors de Jeux Olympiques, mais ça c'est très tardif, c'est les années 1960. À quel moment apparaît la conscience d'être en lutte politique à travers le sport? Vous faites bien de souligner l'importance des années 60, c'est-à-dire en particulier du mouvement pour les droits civiques et peut-être encore de façon plus importante du mouvement dit Black Power. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il est communément accepté que le sport est un espace social apolitique, où la politique ne devrait pas faire son irruption, simplement la performance pourrait, d'après les Noirs américains, montrer l'égalité des corps. Néanmoins, à partir des années 50 et 60, on voit une politisation explicite du sport noir américain, notamment avec des figures bien connues, comme notamment Mohamed Ali, qui est sans doute, de ce point de vue, le plus grand athlète de l'histoire américaine, puisqu'il prend des positions fracassantes pour la justice raciale aux États-Unis, alors que ce soit contre la guerre du Vietnam, en faveur de la justice économique dans les ghettos noirs des grandes villes. Et associé à Malcolm X, Mohamed Ali est la figure emblématique de cette lutte pour le pouvoir noir, Black Power. Et il fait évidemment sensation, mais également polémique à l'intérieur de la communauté noire, parce que pour beaucoup de l'ancienne génération, particulièrement des gens comme Jesse Owens, voit d'un mauvais œil l'irruption du politique dans un espace social qui devait rester, d'après eux, apolitique, se suffisant à lui-même pour prouver l'égalité. L'événement le plus marquant à cet égard, dans cette décennie 1960, c'est bien sûr en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, le point levé, ganté de noir, de Tommy Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres. Ils sont premiers et troisièmes de cette course et décident de manifester publiquement leur désaccord, leur opposition aux politiques publiques menées aux États-Unis qui légitiment la production et la reproduction de l'oppression des Noirs. Donc pendant l'hymne américain, ils font ce geste tout à fait sidérant, qui reste, de mon point de vue, l'un des gestes les plus connus, hein, une des images les plus connues des mouvements pour l'émancipation minoritaire. Et ils se créent des ennemis, évidemment, dans la communauté blanche, puisqu'on les considère comme des traîtres à la nation, ils insultent le drapeau et la nation, mais ils sont aussi critiqués dans la communauté noire par des gens qui considèrent qu'ils n'auraient jamais dû faire ce geste, qu'ils auraient dû, au contraire, montrer leur amour de la nation américaine pour pouvoir faire avancer plus vite la cause des Noirs. Eh bien, justement, Nicolas Martin Breteau, je vous propose de retrouver les Jeux Olympiques de Mexico avec Léon Zitrone. Et oui, ah bah oui, Léon Zitrone, c'était la grande époque des commentaires sportifs. Nous sommes en 1968, bien sûr. C'est le centenaire de la naissance de Webb Dubois, d'ailleurs, qui est décédé en 1963, quelques années auparavant. Effectivement, Léon Zitrone est lui-même, et on le sent bien, étonné par ce qu'il voit, ces athlètes noirs au point levé. Premier Smith, deuxième l'Australien Norman, venu en bolide dans les 50 derniers mètres. Troisième, Carlos, record du monde battu, 19-8. Norman 20, Carlos 20, Van Buck 5e, 25. Les deux Américains monteront sur le podium, et là, avec leurs gants noirs, rappelleront que dans leur esprit, ils sont noirs avant d'être américains. Ils diront, ne nous prenez pas pour des avaleurs de cacahuètes. Nous sommes des êtres comme tout le monde. Léon Zitrone, en octobre 1968, qui commente donc les Jeux Olympiques et ce geste d'athlète noir au point levé. Nicolas Martin Breteau, dans son commentaire en 1968, Léon Zitrone dit « ils sont noirs avant d'être américains ». Est-ce que cela correspond à l'état d'esprit d'une partie de la communauté noire américaine dans sa lutte pour plus d'égalité ou tout simplement pour l'égalité ? Oui, on retrouve quelque chose qui est typique en fait de l'histoire africaine-américaine. Ce dont parlait Dubois dans l'extrait que vous avez cité tout à l'heure, de ce corps écartelé, hein, comment être à la fois américain et à la fois noir, eh bien, Léon Zitrone, sous une forme nouvelle, reprend eh bien cette opposition qui avait été fondatrice de la pensée de Dubois. Et effectivement, dans la communauté africaine-américaine à l'époque, il y a un certain nombre de mouvements séparatistes qui prônent eh bien, un développement séparé de la communauté noire, puisque l'oppression raciale serait indépassable, d'après eux, dans la communauté américaine. Néanmoins, on ne peut pas en rester là, me semble-t-il, car si Tommy Smith et John Carlos prennent la peine de manifester publiquement leur désaccord avec la politique publique des États-Unis, c'est précisément parce qu'ils se sentent américains. Sinon, il ne prendrait pas la peine de manifester de cette façon. Donc là encore, ce geste est ambigu. Il est à la fois un geste de fierté raciale, c'est indéniable, mais également d'appel au perfectionnement de la démocratie américaine, puisque c'est le but de leur revendication. Montrer que les Noirs, malgré le fait qu'ils ont été libérés de l'esclavage il y a plus d'un siècle, sont toujours prisonniers d'un système social foncièrement injuste. Et ils utilisent la scène sportive pour faire porter leur message, précisément parce que des dizaines, des centaines de millions de personnes verront leurs gestes à travers le monde. Voilà, ça c'est l'élément important hein, du sport également, c'est montrer par ses réussites, par ses exploits, par ses médailles, que l'on est intégré à la société, que l'on mérite sa place et que le regard posé par les blancs, par certains blancs, par les suprémacistes n'est pas valable, mais aussi utiliser l'espace public, utiliser la parole que donne en fait le sport par ce développement des médias aussi. Il y a de la stratégie dans l'utilisation du sport dans les luttes politiques des Noirs américains. Oui, absolument. D'ailleurs, dans les mois qui précèdent l'Olympiade à Mexico en 1968, il y a un débat qui fait rage à l'intérieur de la communauté américaine. Doit-on y aller? Ne doit-on pas y aller? Boycott ou pas boycott des Jeux de Mexico? Finalement, la solution trouvée, c'est aller à Mexico, mais manifester sur place. Et de fait, cette décision qui allie à la fois la participation et la protestation, eh bien, est tout à fait extraordinaire, car elle donne lieu, notamment avec Tommy Smith et John Carlos, à l'une des images les plus sidérantes et les plus, me semble-t-il, magnifiques du long mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. C'est sans doute la photographie la plus célèbre de cette lutte des Africains-Américains pour la justice dans ce pays. Et puis, à côté de la photo, il y a la chanson dans la lutte pour le mouvement pour les droits civiques, mais là aussi avec des sportifs et pas n'importe lesquels. Vous avez rappelé l'importance de cette figure du sport et des luttes pour les droits, c'est Mohamed Ali qui, en 1965, reprend une chanson de Benny King. Cette chanson, c'est Stand By Me. Stand By Me en 1965 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Le cours de l'histoire, Starting Block et Black Lives Matter, corps et sport dans les luttes des Noirs américains. Nicolas Martin Breteau, nous entendons Mohamed Ali dont le changement de nom a été énormément commenté, de Cassius Clay, il est devenu Mohamed Ali. Il y a de l'individu dans le sport, de la réussite individuelle. Mohamed Ali est un sportif, Jesse Owens est un sportif, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a une réalité d'institution, de structure. Comment est-il possible pour les Noirs américains de faire du sport aux États-Unis par rapport aux ligues, par rapport aux universités. Il y a là encore énormément de contraintes. Effectivement, la société américaine depuis la fin du 19e siècle est une société ségrégée dans quasiment tous les domaines de la vie sociale et ce qui oblige la communauté africaine-américaine à répliquer à l'intérieur de ces espaces de vie les institutions de la société englobante. Donc cela vaut en particulier pour les institutions sportives et les personnes que j'étudie dans le livre, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mettent en place des ligues sportives noires, des équipes sportives noires, et cette réalité perdure en gros jusqu'au milieu du XXe siècle, quand les grandes ligues sportives américaines blanches sont déségrégées, à la fin des années 1940. Et donc pour les Africains américains, faire du sport, c'est d'abord, dans le premier XXe siècle, faire du sport dans des équipes et des championnats à eux, et à de rares occasions, entrer en compétition avec des Blancs, ce qui est souvent fait pour les matchs de boxe, par exemple, parce que cela, évidemment, attire énormément de spectateurs et donc des recettes financières importantes lorsque l'on met en compétition un Noir et un Blanc, puisque derrière ce match entre deux individus, comme vous le notez bien, il y a en réalité un match entre deux races, entre guillemets, et donc la mise en question d'un certain nombre de présupposés idéologiques sur la domination internationale du corps blanc. Et puis dans ce que vous étudiez, Nicolas Martin Breteau, tout peut se décomposer sur ces dominations, cette domination évidente des blancs sur les noirs, du corps blanc sur le corps noir. Et puis dans ces formes de domination, il y a également la domination masculine sur le monde féminin. Vous consacrez un chapitre dans votre ouvrage au sport, charme et féminité, un corps beau, fort, résistant. Quelle est la place dans cette lutte des Noirs américains, la place des femmes dans le sport, justement, pour obtenir plus de place dans la société, changer le regard et puis atteindre une certaine forme d'égalité? Alors, l'utilisation du sport par la communauté africaine-américaine jusque, disons, à la fin du XXe siècle est particulièrement organisé en suivant les normes dominantes et en particulier les normes dominantes de genre. Et donc pour les Africaines américaines, le sport pose un problème tout particulier parce que leur corps est historiquement stigmatisé comme représentant la strate inférieure, si vous voulez, de l'humanité, et en particulier n'est jamais reconnu digne des valeurs morales, esthétiques du corps féminin blanc. Et donc le sport, en mettant les corps en action, avec la sueur, si vous voulez, la hargne sur le terrain, peut desservir la cause des femmes. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que si le sport est utilisé par les Africains américains à destination des garçons, des adolescents, comme une forme d'aguerrissement, hein, même viriliste, pour résister aux combats qui seront les leurs dans la société englobante quand ils seront adultes, eh bien, du côté des femmes, le sport a plutôt tendance à être utilisé pour l'embellissement du corps de la femme noire en essayant de la faire participer à des sports, entre guillemets, adaptés, aux caractéristiques féminines. Donc, des sports doux, si vous voulez, d'équipe, sans contact, etc. Et le but est effectivement révolutionnaire. Il est à la fois conformiste et révolutionnaire de mettre en place cette stratégie. C'est révolutionnaire parce que le but est de prouver que le corps féminin noir peut lui aussi être un corps beau, résistant, comme vous le citiez tout à l'heure. Et du point de vue des femmes, l'enjeu du corps soulève des problèmes tout à fait particuliers qui sont liés évidemment à l'histoire spécifique de l'oppression des femmes noires qui subissent souvent une oppression de race, bien sûr, mais aussi une oppression de genre et une oppression de classe. Ce qui est passionnant dans cette étude du sport et des luttes des Afro-Américains pour l'égalité, c'est qu'il y a les penseurs de cette émancipation qui s'intéressent au sport. Nous avons évoqué Webb Dubois, bien sûr, mais ils sont nombreux. C'est-à-dire que le corps n'est jamais mis de côté. Est-ce né de ce regard porté par le blanc au moment de l'esclavage? Les blancs avaient créé un discours sur le corps. Après l'esclavage, ils ont créé une autre forme de discours. Les noirs n'arrivent pas à s'échapper de cette discussion sur le corps. C'est cette violence physique, d'ailleurs, que l'on retrouve aujourd'hui au cœur de l'actualité. Absolument. Le corps noir, parce que le racisme anti-noir vise le corps noir est le lieu de la polémique, au sens propre, au sens étymologique, le lieu du combat. S'il y a bien un combat premier en faveur de l'oppression raciale des Noirs, c'est leur corps, mais s'il y a aussi, au contraire, un lieu premier de la libération des Noirs, c'est bien aussi leur corps. Et donc, dans le corps des Africains-Américains, sur le corps des Africains-Américains, se joue un combat, une polémique séculaire, dont l'enjeu est évidemment soit l'oppression, soit la libération. Et c'est effectivement des choses que l'on voit encore aujourd'hui dans la société américaine, puisque, au sens propre, les corps noirs dans l'espace public sont littéralement mal vus, et donc risquent leur vie. On le voit par exemple avec les violences policières, mais on le voit aussi, inversement, dans les initiatives de libération de la communauté africaine-américaine, qui met souvent en scène la dignité du corps noir. Je pense particulièrement au genou à terre de Colin Kaepernick, ce joueur de football américain professionnel, qui en 2016, contre les violences policières, contre l'injustice raciale aux États-Unis, décide de protester publiquement, pendant l'hymne américain qui est joué au début des matchs de football de la NFL, en posant un genou à terre, et pour cela a été extrêmement critiqué. Mais ce geste, d'une grande dignité, est avant tout, me semble-t-il, une mise en scène du corps noir dans sa dignité et dans sa revendication d'égalité. Un genou à terre qui est un geste extrêmement fort, aussi fort qu'un point levé. Je vous propose un extrait du documentaire « Un héros américain » réalisé par Anne-Bess Jacobsen et Jobs Knight. C'est un extrait d'un documentaire consacré à Colin Kaepernick. Beaucoup d'Américains voient en Colin Kaepernick une incarnation du mal et de l'antipatriotisme. Get that son of a bitch off the field right now. Out, he's fired. He's fired. C'est quand Trump a mis son nez dans cette histoire qu'elle a pris un tour politique. I take a knee for America. I want to get on my knees right now. L'affaire a pris une dimension qui, je crois, l'a dépassée. Ah oui, ça, l'affaire l'a dépassé, mais quel geste symbolique fort, ce geste de Colin Kaepernick. Nicolas Martin Breteau, dans le regard que vous portez en tant qu'historien du sport et des luttes des Noirs américains, il y a malgré tout tellement de voix différentes. Nous évoquons Colin Kaepernick, très bien, qui met un genou à terre pour montrer l'opposition à toutes les discriminations. Et puis il y en a d'autres, il y a Michael Jordan, il y a plein de figures. En fait, il y a un mouvement général, mais à l'intérieur de ce mouvement, des choix individuels très particuliers, très différents les uns des autres. Absolument. On a, par exemple, souvent reproché dans les années 80 et 90 à Michael Jordan d'être particulièrement discret sur les questions d'égalité raciale. Et on l'a accusé, donc, de ne pas jouer son rôle de leader politique de la communauté africaine-américaine. Je pense que cette accusation est liée au contexte dans lequel il a été professionnel. Un contexte qui a été marqué par le retour au pouvoir des conservateurs et la domination idéologique des conservateurs américains, notamment avec la figure de Ronald Reagan, qui rendait extrêmement difficile quand même la prise de parole publique des athlètes professionnels sur ces questions. Si Colin Kaepernick, me semble-t-il, peut prendre la parole aujourd'hui, c'est qu'il est porté par un mouvement de masse populaire fait de millions d'anonymes qui lui permettent d'asseoir sa parole publique pour l'égalité. Oui, ces millions d'anonymes sont essentiels dans le sport parce que nous parlons des athlètes qui remportent des médailles, ceux que l'on voit à la télé, dont on parle à la radio. Mais il y a aussi le sport du quotidien, ce sport que l'on peut croiser hein, dans les films, dans les séries, c'est ce sport du basket de rue. Ce sport-là aussi est très important dans la lutte, au sens où l'afro-américain est présent dans l'espace public. Il est là, il s'accapare avec tous les problèmes que cela engendre de discrimination. Absolument, il y a évidemment souvent le sport professionnel, le sport des stars athlétiques qui est mis en avant, mais en fait c'est l'histoire plus large du sport pratiqué par les anonymes au niveau le plus local qui est l'objet de mon enquête historique pour essayer de montrer justement que le sport a été un enjeu central de la lutte des Noirs américains sur la longue durée et en particulier pour montrer que le but des Africains américains est de faire de la performance corporelle une forme de prise de parole publique, c'est-à-dire que les Africains américains, historiquement, sont privés d'une parole audible dans la société américaine et utilisent le corps, et en particulier la performance du corps, la présentation de soi dans l'espace public, comme une forme, disons, non-verbale de revendication sociale. Mais cette forme non-verbale de revendication sociale, c'est elle aussi qui focalise les tensions. Le regard d'un policier sur un homme n'est pas le même d'après ce que l'on voit actuellement aux États-Unis et les émeutes qui se produisent, selon que l'on soit blanc ou noir. Cette focalisation est encore extrêmement présente. Il y a quelque chose, en fait, en mettant le corps en avant, qui accentue aussi l'écart. Il y a cette conscience-là de la part des Noirs américains. Absolument, et c'est un élément que j'étudie dans le livre, l'idée selon laquelle la présentation de soi, l'élévation de soi-même et du groupe pourrait éventuellement détruire le racisme est quelque chose qui est évidemment beaucoup critiqué aujourd'hui, puisque le but des luttes africaines-américaines, dit-on, notamment dans le mouvement Black Lives Matter, n'est pas de convertir la psychologie des Blancs à la dignité des Noirs, mais en réalité de lutter contre les structures de reproduction du racisme dans la société. C'est tout l'enjeu du concept de racisme institutionnel ou racisme systémique, si vous voulez, que l'on entend beaucoup aujourd'hui, et que de dire que ça ne sert à rien d'essayer de faire la preuve de sa dignité si l'on ne change pas les structures sociales qui permettent justement l'oppression des Noirs. Et là, nous retrouvons en fait tout ce que nous avons pu évoquer en parlant des pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King, et en parlant aussi de Webb Dubois avec vous, Nicolas Martin-Bretot, c'est que la lutte n'est pas simplement sur l'obtention de droits civiques, c'est une lutte plus globale de justice sociale. Je vous remercie vraiment beaucoup de ce regard porté sur le sport et les luttes politiques des Noirs américains pour la justice. Corps politique, c'est votre ouvrage, Nicolas Martin-Bretot, qui paraît à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupoine, Toscane Viudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion. Demain, nous partons à Los Angeles, Light My Fire, Los Angeles 1992 et les émeutes. Pour nous en parler, Caroline Roland-Diamond.